إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours 94 dans l'explication du livre Ta'liq al-Qawim ala Kitab Iqtida' al-Sirat al-Mustaqim. Ce sont les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan sur le livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Et donc on continue l'explication à propos des règles de Omar qu'il a établies pour les gens de la Dhimma, Ahkam ou Ahl al-Dhimma. Et donc on a parlé de ça au dernier cours. Je vous ai déjà mentionné que ces règles de la dhimma sont mentionnées dans le Coran, pas dans le Coran, mais dans le tafsir du Coran, dans Surat al-Tawba, l'explication de Surat al-Tawba. Attendez juste un instant. Cheikh Ibn Taymiyyah, Cheikh al-Islam, après avoir mentionné les règles et tout, là maintenant il dit ومقصودهم من هذا التمييز أو من هذا التميز كما روى الحافظ أبو الشيخ الأصفهاني بإسناده في شروط أهل الذمة عن خالد ابن عرفطة رضي الله عنه قال كتب عمر رضي الله عنه إلى الأمصار أن لا يجز نواصيهم يعني النصارى ولا يلبسوا لبس المسلمين حتى يعرفوا. وقال القاضي أبو يعلى في مسألة حدثت في وقته أهل الذمة مأمورون بلباس الغيار، فإن امتنعوا لم يجز لأحد من المسلمين صبغ ثوب من ثيابهم، لأنه لم يتعين عليهم يعني صبغ ثوب بعينه. قلت وهذا فيه خلاف، هل يلزمون بالتغيير أو الواجب علينا إن امتنعوا أن نغير نحن؟ وأما وجوب أصل المغايرة فما علمت فيه خلافا. Donc il dit wa qad rawa Abu al-Shaykh al-Isfahani fi shurut ahli al-dhimma bi isnadihi anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kataba an la tukatibu ahli al-dhimma fatajri bainakum wa bainahum al-mawaddah wa la takunnuhum wa adhilluhum wa la tadhlimuhum wa muru nisaa ahli al-dhimmati an ya'qidna zunnaratihin ويرخين نواصيهن فيرفعن عن سوقهن حتى نعرف زيهن من المسلمات، فإن راغبنا عن ذلك فليدخلن في الإسلام طوعا أو كرها. Donc ici le cheikh il explique le but de cette distinction, c'est-à-dire le but de la distinction que Omar a ordonné pour qu'il y ait entre les musulmans et les non-musulmans, les juifs et les chrétiens, une distinction. Une distinction dans l'apparence. Et il mentionne les paroles de Abu Shaykh al-Asfahani, qu'est-ce qu'il a rapporté au sujet des conditions qui ont été établies pour les gens de la Dhimma. selon Khalid ibn Arfata radiallahu anhu, il dit que Omar radiallahu anhu, il a écrit des lettres aux différentes villes dans lesquelles il y avait des chrétiens et des juifs ou des non-musulmans, et il leur a ordonné qu'ils coupent leur toupet, et c'est-à-dire les chrétiens, et qu'ils ne portent pas les mêmes vêtements que ceux des musulmans pour qu'ils soient reconnus, c'est-à-dire pour qu'on puisse savoir que ce ne sont pas des musulmans. Et Al-Qadi Abu Ya'la, il parle dans une affaire qui était arrivée à son époque. Il dit que les gens de Ahlul Zimma sont ordonnés de porter des vêtements différents que ceux des musulmans. Hein? Et s'ils ne peuvent pas, ou s'ils ne veulent pas s'abstenir de s'habiller comme les musulmans, alors dans ce cas-là, il n'est pas permis aux musulmans de teindre leurs vêtements, hein, de teindre un vêtement parmi leurs vêtements, parce qu'il n'est pas obligatoire pour eux de teindre un vêtement en particulier. Il dit, Cheikh l'Islam, et ça il y avait une divergence, est-ce qu'on doit leur imposer de se distinguer des musulmans, ou bien l'obligation pour nous, si eux ils refusent, que nous on se distingue d'eux? Et il dit que en ce qui concerne l'obligation, la base c'est qu'il y ait une distinction, et je ne connais pas de divergence entre les ulama sur ce sujet-là. Hein, la base c'est qu'il faut qu'il y ait une distinction. Il faut qu'il y ait une distinction entre les musulmans et les non-musulmans dans leurs apparences. Ça c'est obligatoire. Donc vous voyez, comme on a parlé de ça dans les derniers cours, on a dit que à l'époque, non seulement les musulmans ne doivent pas ressembler aux koufars, mais même si par exemple, dans le cas où les musulmans à l'époque étaient en force, c'est eux-mêmes qui interdisaient aux non-musulmans de leur ressembler. Hein? Ils interdisaient aux non-musulmans d'imiter les musulmans. Alors que, comme le cheikh il va le dire tout à l'heure, on va lire les commentaires de Cheikh Al-Fawzan, il dit aujourd'hui c'est devenu le contraire. Hein? C'est les musulmans qui imitent les koufars. Donc, il dit ensuite que c'est rapporté selon Abu Sheikh al-Asfahani à propos des conditions qui ont été établies pour les gens de la Dhimma avec la chaîne de narration, la chaîne de transmission, que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, il a écrit une lettre et il a dit « N'écrivez pas aux gens du livre, Ahlul Dhimma, pour qu'il n'y ait pas d'affection entre vous et eux. » pour pas qu'il y ait de l'affection entre vous et eux. Et ne les appelez pas par une kunya. Et rabaissez-les. Et ne leur faites pas d'injustice. Hein? C'est-à-dire, rabaissez-les et ne leur faites pas d'injustice. Et ordonnez à leurs femmes qu'elles mettent une ceinture autour de leur taille et qu'elles laissent leur... Je pense que ici, yurkhina, c'est-à-dire qu'elles rabattent leur toupet et qu'elles relèvent leur robe jusqu'en haut de la cheville. Ouais, c'est ça. Pour qu'on puisse les reconnaître et qu'on les distingue des musulmanes. Et si elles ne veulent pas faire ça, alors qu'elles rentrent dans l'islam. Qu'elles le veuillent ou non. Et le cheikh Al-Fawzan, il explique. Il dit « قولهم مقصودهم من هذا التميز ما روى الحافظ أبو الشيخ » يعني أن الأمور التي تميز بين المسلمين وأهل الذمة أن لا يجز أهل الكتاب نواصيهم أي مقدمات رؤوسهم أن لا يجز نواصيهم c'est-à-dire ils ne doivent pas couper leur toupet. Et il dit, ça c'est une des choses par lesquelles les gens du livre doivent se distinguer des musulmans. Ils ne doivent pas couper leur toupet. Et pourquoi? Pour qu'ils se distinguent des musulmans. Il dit, وَقَوْلُهُ وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى فِي مَسْأَلَةٍ حَدَثَتْ فِي وَقْتِهِ أَنَّ أَهْلَ الذِّمَّ مَأْمُرُونَ بِلِبْسِ الْغَيَارِ يعني من جملة ما شرط عليهم لبس الغيار. الغيار يعني في لون الثياب. Donc il devait porter un vêtement de couleur différent que celui des musulmans. il dit فلا تلبس فلا تشبه ثيابهم في لونها ثياب المسلمين ولا يجوز للمسلم أن يتشبه بأهل الكتاب في صبغتهم الخاصة الخاصة بهم. Donc c'est-à-dire qu'ils ne devaient pas ressembler, leurs vêtements ne devaient pas ressembler aux vêtements des musulmans dans la couleur même. Donc il n'était pas permis aux musulmans de ressembler aux gens du livre, dans, même dans la couleur dont ils teignaient leurs vêtements. Dans, c'est-à-dire parce qu'ils avaient une couleur particulière hein, qui leur était désignée et on ne devait pas donc porter leur couleur et eux ne devaient pas porter la couleur des vêtements des musulmans. Il dit وقوله وهذا فيه خلاف وهذا فيه خلاف هل يلزمون بالتغيير يعني هل هم ملزمون بالتغيير بتغيير اللون في لباسهم عن لباس المسلمين أم أننا نلزم أم أننا لا نلزم لا نلزمهم ولكن نحن نتميز عنهم أما وجوب أصل المغايرة فلا خلاف في وجوبه وإنما الخلاف في بعض التفاصيل. Donc il dit ici que il y avait la divergence. Est-ce que c'est eux qui à qui on impose la distinction, c'est-à-dire est-ce que eux sont obligés de changer la couleur de leurs vêtements, des vêtements des musulmans, ou bien c'est nous qui devons hein, ne pas, c'est-à-dire c'est nous qui devons changer nos vêtements à nous, et non pas imposer à eux une autre couleur. Et il dit en ce qui concerne la base, qu'il faut qu'il y ait la distinction, ça il n'y a pas de divergence, que c'est obligatoire. La divergence est seulement sur les détails. La divergence est seulement sur les détails. Il ne faut pas oublier que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il mentionne tout ça dans le seul but d'établir la preuve que l'islam interdit qu'il y ait une ressemblance entre les koufars et les musulmans. Donc c'est seulement ça le but. Et là, qu'est-ce qu'il ramène ici? C'est des éléments de preuve qu'il rajoute aux preuves qu'il a déjà mentionnées, des bases du Coran, des preuves du Coran et des preuves de la Sunna. Donc là, il mentionne des preuves comme ça qui font partie de l'ijma pour confirmer et supporter encore plus fort, avec encore plus d'arguments, les preuves qu'il a déjà rapportées, qui sont déjà convaincantes et qui sont déjà suffisantes. Mais c'est pour rajouter encore plus de poids. Donc il dit, peut-être qu'il y a des divergences dans des petits détails, dans des questions. Est-ce que si eux, ils ne veulent pas se distinguer, est-ce que nous, dans ce cas-là, c'est nous qui sommes obligés de se distinguer? La base, c'est que l'obligation, c'est de se distinguer. Maintenant, des détails comme ça, il peut y avoir des divergences, mais pas sur la base. La base, on est tous d'accord qu'il faut qu'il y ait une distinction. Il dit, وَقَوْلُهُ أَلَا تُكَاتِبُوا أَهْلَ الذِّمَّةِ يعني مُكَاتَبَةُ خِطَابَاتِ فِيهَا مَحَبَّةِ وَأُلْفَةِ أما الكتابة لهم في أمور المعاملات مثل الأمور التجارة كبيع أو شراء أو دعوتهم إلى الإسلام فلا بأس في ذلك بل الكتابة إليهم من أجل الدعوة أمر مطلوب وقد كاتب النبي صلى الله عليه وسلم ملوكهم. Donc il dit, quand Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu a dit ne pas écrire des lettres aux gens du livre Ahlul Zimma, il dit ça c'est en ce qui concerne de leur écrire des lettres dans lesquelles il y a de l'amour ou de l'affection. Mais si c'est des lettres dans le but d'expliquer les choses du commerce, de la vente, de l'achat, ou de les appeler à l'islam, ça il n'y a pas de problème. Au contraire, même d'écrire pour la da'wah et de les appeler à l'islam, ça c'est quelque chose qui est exigé. Et même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a écrit des lettres aux rois des différentes nations qui n'étaient pas musulmans à l'époque pour les inviter à l'islam. Donc ça, il n'y a pas de problème. Il dit wala tukinnuhum يعني لا يقال لهم ابو فلان لان التكنيه للتكريم واشد من ذلك قول سيد فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقول للمنافق سيد فانه ان يكو سيدا فقد اسخطتم ربكم عز وجل فالكافر من باب اولى. Donc le cheikh il dit, ne leur donnez pas de kunya, hein, parce que la kunya, tu appelles quelqu'un Abu Fulan, Abu un tel ou Abu un tel, Ça, c'est pour l'honorer. Donc, tu ne dois pas dire de quelqu'un Abu Fulan. En arabe, Fulan, ça veut dire, c'est comme s'il disait un tel. Donc, tu ne dois pas dire à quelqu'un Abu Fulan, Abu un tel. Un tel, c'est pour dire, entre parenthèses, X. On ne sait pas de ça, dire n'importe quel kunya. Tu comprends ce que je veux dire? Comme si toi, par exemple, je ne sais pas c'est quoi ta kunya. Non, ta kunya. Non, la kunya, subhanallah. Abu Hafsa, bon, ça c'est une kunya. Dans l'islam, la kunya, c'est un titre, une appellation honorifique. Quand tu appelles quelqu'un par ce nom-là, c'est pour l'honorer. Hein? Comme Abu Hamad, Abu, je ne sais pas ta kunya, toi non plus, je ne sais pas ta kunya. Il faut avoir une kunya, c'est la sunna. Oui, c'est la sunna, c'est la sunna d'avoir une kunya. Non. Même, il y a beaucoup de sahaba, ils n'avaient pas d'enfants, ils avaient une kunya. Aïcha radiallahu anha, c'était Umm Abdillah, je pense, ou Umm Muhammad, elle n'avait pas d'enfants. Abu Huraira, c'est son petit chat. Yani, il n'a pas d'enfant qui s'appelle Huraira. Huraira, c'est son chaton. Hein? Donc, ce n'est pas obligé que tu aies la kunya avec le nom de ton enfant. Abu, ça ne veut pas pour dire nécessairement que tu es le père de quelque chose. C'est, il n'est pas le père de son chat. C'est pour dire que c'est lui qui marchait toujours avec son chaton. Donc, on l'a appelé Abu. Hein? Abu Huraira. Ça peut être quelque chose d'autre. Abu al-Fadl. Ça, c'est la kunya d'Ibn Taymiyyah. Elle s'appelait Abu al-Fadl. L'imam al-Bukhari s'appelle Abu Abdillah. L'imam Ahmed s'appelait Abu Abdillah. Et l'imam Malik, la même chose. Donc tous les salafs, ils avaient une kunya. Hein? Et ça, c'est comme on a dit, c'est honorifique. D'accord? Et le but d'avoir c'est quelque chose, comme on a dit, pour honorer quelqu'un, tu l'appelles par sa kunya. Mais pape, on n'a pas le droit de donner une kunya au kuffar. Et pire encore, de l'appeler Sayyid, maître. D'appeler un kafir maître. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas appeler l'hypocrite Sayyid, hein, un maître. Pourquoi? Parce que il dit si c'est votre maître réellement, ça veut dire que vous avez mis votre Seigneur en colère. Alors que dire du yani le kafir, c'est encore pire. Il dit wa qawluhu wa adhilluhum wa la tuzlimuhum. Al maqsoud adhilluhum yani la tukrimuhum wa la tajulluhum wa la tuqaddimuhum wa la tazlimuhum fi huquqihim bi an ta'tadu alayhim li'anna adh-dhulm la yajuz lil muslim wa la lil kafir. Qala Allah ta'ala wa la yajrimannakum shana'an qawmin 'ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa wa la yajrimannakum shana'an qawmin an sadduukum 'anil masjidil haram an ta'tadu yani la yahmilannakum bughd qawmin an tadhlimuhum fal muslimu ma'murun bi an ya'dila ma'a kulli ahad. Donc le cheikh il mentionne ensuite que lorsqu'il a dit Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, lorsqu'il a dit et rabaissez-les et ne leur faites pas d'injustice, ça veut dire ne les honorez pas, hein, ne les mettez pas de l'avant, mais en même temps ne leur faites pas d'injustice dans leurs droits en transgressant contre eux, parce que l'injustice est interdite pour le musulman ou pour le non-musulman. Tu n'as pas le droit de faire de l'injustice. Et il mentionne le verset 8 dans Surat Al-Ma'idah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Et que votre haine pour un peuple ne vous pousse pas à leur faire de l'injustice. Soyez justes. Hein? » Que votre haine pour un peuple ne vous pousse pas à être injuste, à ne pas être juste. Soyez justes, cela est plus proche de la piété. Hein? Et dans l'autre verset, il dit « Et que votre haine pour un peuple, du fait qu'ils vous ont obstrué le chemin de la mosquée sacrée, ne vous pousse pas à transgresser contre eux. » C'est-à-dire, yani, ne faites pas d'injustice à cause de votre haine pour eux. Donc le musulman est ordonné d'être juste avec tout le monde. Et ensuite, « وَمُرُوا نِسَاءَهُمْ نِسَاءَ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَنْ يَعْقِدْنَ زُنَّارَاتِهِمْ الزُّنَّارِ هُوَ الْحَبْلُ الْعَرِيضَ الَّذِي يشد على الوسط وقد ألزم به نساء أهل الذمة ليميزهن عن المسلمات. Donc يعني ici il dit et ordonné aux femmes des gens de Dhimma qu'ils portent la corde autour de leur taille et c'est une coque qu'ils portent autour de la taille pour les distinguer des femmes musulmanes, comme les hommes aussi doivent porter la corde autour de leur taille pour les distinguer des femmes des hommes musulmans. Pour les hommes, ils le portent et les femmes le portent. C'est la corde qu'ils mettent autour de la taille. Parce que l'homme, il porte le qamis, le musulman, il porte un qamis, mais pas de corde autour de sa taille. Ça, c'est uniquement ordonné pour les Ahlul Dhimma, pour les chrétiens et les juifs qui vivent dans les pays non musulmans. Il dit wa yurkhina nawasiyahunna, yani sha'ru muqaddamat ar-ru'us, farqan bayna al-kafirah wal-muslimah. فالمسلمة تفرق شعرها وتظفرها أما الكافرة فإنها تؤمر بسدله من أمام حتى تميز بذلك. Donc il dit le cheikh que les femmes, donc elles doivent, les femmes des gens du livre, elles doivent pas elles doivent laisser leur toupet par devant pour les distinguer des femmes musulmanes, hein, et donc pour qu'on les distingue. Et il dit que les femmes musulmanes, elles, qu'est-ce qu'elles font? Elles séparent leurs cheveux et elles les tressent, tandis que la femme mécréante, elle est ordonnée de les laisser tomber, hein, de les laisser ses cheveux tomber par en avant. Et donc il dit que ça, c'est pour la distinguer. Et il dit wal yawm wal asaf sar al amr bil aks bil aks tajid ou najid anna kathiran min al muslimat yuqallidna al kafirat يعني فتسدل الواحدة شعرها حتى تغطي عينيها لأن الشيطان لا يفتر عن إذلال بني آدم فيغري المسلمة بالتشبه بالكافرة. Donc il dit aujourd'hui c'est le contraire. Tu vois que beaucoup de femmes musulmanes, elles imitent les femmes kuffar, et même elles vont laisser tomber leurs cheveux, hein, jusqu'à ce que ça cache ses deux yeux, hein. Et donc c'est parce que le shaitan, il n'a jamais abandonné d'essayer d'égarer les fils d'Adam et de tromper les musulmanes pour qu'elles imitent les femmes mécréantes. Il dit wa qawluhu wa yarfa'na an souqihinna, yani yushammirna an souqihinna li'anna al-muslima ma'mouratun bi'irkha' al-thiyab min khalfiha qadra dhira' hatta يعني تستر عقبيها أما الكافرة فلا تفعل هذا لأن لا يظن أنها مسلمة وقوله حتى نعرف زيهن من المسلمات يعني حتى نستطيع التميز بين المسلمة والكافرة. Donc regardez là, Omar ibn Khattab il dit les femmes des gens du livre, elles doivent remonter leurs vêtements jusqu'à leurs chevilles, en haut de leurs chevilles. Et donc, pour qu'on voit leurs chevilles. Pourquoi? Yani, pour les distinguer des femmes musulmanes. Parce que les femmes musulmanes sont, elles, ordonnées de laisser leurs vêtements en bas de la cheville, de rajouter la distance d'une, comment on appelle en français? Yani, chibre. Oui, c'est ça. Un pan de longueur qui dépassent la cheville pour que ça traîne par terre leur robe. Les femmes musulmanes, elles doivent couvrir jusque par terre. Leur robe doit couvrir jusqu'à ce que ça touche par terre. Tandis que la mécréante, elle doit le soulever pour se distinguer de la femme musulmane, pour pas qu'on pense qu'elle est musulmane. Regardez, hein? Ouais, non, mais regardez qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. C'est que les femmes musulmanes, bon, elles portent même des pantalons maintenant, avec le voile, avec un foulard sur la tête. Et le foulard, ça respecte pas les règles de la charia. C'est pas un djilbab qui couvre de façon ample tout le corps de la femme, de la tête jusqu'aux pieds. Non, c'est juste un petit foulard à la mode, hein, avec le maquillage, et Allah musta'an. Il y a même, en tout cas, il y en a même qui font ça, c'est-à-dire qui portent le djilbab avec le voile avec le maquillage dehors, et elles pensent que ça c'est correct. Et quand elles parlent avec des femmes kuffar, elles disent aux femmes mécréantes, elles disent l'islam, hein, on porte le voile, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être coquette et jolie en même temps. Mais le but du hijab, c'est justement de cacher les atours et la beauté et les charmes de la femme. Hein? Donc si elle va porter le voile, puis qu'en même temps elle se fait jolie et coquette, ça enlève le but même du hijab. Hein? Donc les ulama, ils ont dit hein, que ça, c'est pas permis. C'est pas permis que la femme, elle porte ce genre de voile-là, dans le, et puis qu'en même temps, elle exhibe d'autres parties de son corps. Parce qu'il y en a des femmes musulmanes, elles pensent que le voile, c'est seulement couvrir la chevelure. Et que si elle couvre ses cheveux, ben, c'est pas obligatoire de couvrir le reste. Et ça, c'est une fausse conception que beaucoup de femmes ont malheureusement à cause de l'ignorance. Et ça atteint le point que même beaucoup de femmes musulmanes pensent ça aussi. À cause du fait que des musulmanes leur ont donné cette impression-là. Donc, tu vois des femmes avec maintenant des pantalons qui sont comme collés sur la peau, hein, puis des pantalons, des jeans ou d'autres, puis elles portent un foulard sur la tête, enroulé par-dessus la tête. Et ça ne respecte pas les conditions du hijab ou du djilbab islamique du tout. Hein? Et donc, et non seulement ça, Yanni, donc on voit qu'ici, il disait qu'elles doivent relever au-dessus de la cheville. Et le plus surprenant, c'est que par la suite, il dit, et si elles ne veulent pas le faire, alors dans ce cas-là, elles doivent devenir musulmanes. Pourquoi? Parce que à l'époque, les femmes chrétiennes, elles ne voulaient pas montrer leurs chevilles. Elles ne voulaient pas montrer leurs chevilles. Parce que les femmes musulmanes, même les femmes non musulmanes à cette époque-là, elles ne voulaient même pas montrer leurs chevilles. Si vous voyez des anciennes photos des femmes, comment elles s'habillaient en Europe, au début du siècle, hein, au début du siècle 1900 et avant, les femmes portaient des robes très longues et amples, hein? Même qu'elles avaient même des, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais autour de leur taille, ils mettaient comme une paille ou quelque chose en dessous qui élargissait même le contour de leur corps pour qu'on puisse pas distinguer même le contour de leur forme. Donc pour dire que les femmes portaient des robes amples et des robes longues, tandis que aujourd'hui non, mais à l'époque oui. Donc les femmes chrétiennes, comment elles s'habillaient à l'époque, elles ressemblaient beaucoup plus à des musulmanes que aujourd'hui. Même les femmes, même les religieuses, hein, les sœurs, celles qui habitent dans des couvents ou qui pratiquaient la religion, il y en a dans les couvents et tout. Elles portaient des voiles, des foulards, des longues robes. Quand tu les vois, on dirait à l'extérieur que c'est comme un djilbab, comme les femmes musulmanes. Hein? Même les juifs, même des juifs qui faisaient ça aussi. Donc c'est pour dire que quand tu regardes leur statue, quand ils font des statues ou des images de Marie, la mère de Isa, alayhi salam, eh bien, ils la font tout le temps avec une longue robe et un grand voile. Hein? Elle a toujours la chevelure couverte, mais pas seulement ses cheveux. Tout son corps est couvert avec une longue robe et très ample. On ne voit pas ses formes, on ne voit pas son corps. Donc, tout ça, c'est pourquoi? C'est pour hein, la pudeur, la chasteté, la modestie, parce que l'islam appelle à ces choses-là. Et donc, à l'époque, les femmes, même les femmes chrétiennes, elles ne voulaient pas montrer leurs chevilles. Elles ne voulaient pas montrer leurs chevilles. Donc, quand Omar il leur a ordonné ça pour les distinguer des femmes musulmanes, hein, c'était en même temps pour les inciter à se convertir à l'islam. Puisque par la suite, il dit « قَوْلُهُ فَإِنْ رَغِبْنَا عَنْ ذَلِكَ فَلْيَدْخُلْنَا فِي الْإِسْلَامِ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا يَعْنِ إِمَّا أَنْ تَلْتَزِمْ نِسَاءَ أَهْلَ الذِّمَّةِ بهذه الشروط وإما أن تخرج عن حكم أهل الذمة ولا يقال إن هذا إكراه على الدخول في الإسلام لأنها مخيرة في ذلك إما أن تلتزم بهذه الشروط وإلا فإنه ينتقد عهدهن وحينها إما أن تسلم وإما أن تقتل أو تسترق، فإن دخلت في الإسلام محبة فبها ونعمة، وإن تظاهرت بالدخول في الإسلام عصمت عصمت نفسها. Donc le cheikh il dit ensuite, si elle désire rentrer dans l'islam, si elle ne désire pas relever leur robe en haut des chevilles, comme Omar ibn al-Khattab leur a dit, c'est-à-dire pour les femmes chrétiennes qui vivent dans les pays musulmans, dans ce cas-là, elles ont le choix de rentrer dans l'islam. C'est-à-dire, elles ne veulent pas faire ça, d'accord. Elles ne veulent pas faire partie de ceux qui respectent les règles qui ont été établies pour les gens de la dhimma. Alors dans ce cas-là, qu'elle se convertisse à l'islam, elle sortira du verdict des gens de la dhimma. Et le cheikh, il dit, on ne dit pas dans ce cas-là qu'on la contraint à entrer dans l'islam, parce qu'elle a le choix. Elle a le choix. Soit qu'elle reste dans les règles de Ahlul Dhimma, ou qu'elle devienne musulmane. D'accord ? C'est ça que le cheikh, il explique ici. Et c'est comme les koufars ici, ils disent, on force personne à être athée, ou à être juif, ou chrétien. Ils ne t'imposent pas de rejeter ta religion et de ne pas pratiquer l'islam. Sauf qu'il te dit, si tu es musulman et que tu veux pratiquer l'islam, mais là tu ne pourras pas travailler, tu ne pourras pas faire ci, tu ne pourras pas faire ça, on ne va pas te donner un poste dans telle fonction, on va pas, si tu veux garder ta barbe, tu ne vas pas être choisi, on ne va pas prendre ta candidature pour tel poste, pour telle chose. Ils ne le disent pas de façon explicite. Ils ne le disent pas de façon explicite, mais c'est clair. Tu vas aller appliquer dans tel poste. Moi, il y a des frères qui me l'ont dit en France. Si tu vas aller, par exemple, à tel ou tel poste, tu viens, tu portes le kamis et la barbe, ils ne vont pas t'engager. Et ici, c'est la même chose. Ça, c'est des choses. Fais l'expérience, peut-être, tu vas voir. Fais l'expérience. Non, mais je dis. C'est vrai qu'ici, ça se peut. Il y en a qui sont plus ouverts, ils acceptent. Mais il y en a de moins en moins. Et aussi pour les femmes voilées, c'est la même chose. Si la femme elle porte son djilbab et puis elle pratique sa religion et tout, puis elle va pour demander un poste et des choses comme ça, ils vont dire enlève ton voile. Mais il y a beaucoup même des frères qui ont eu de la difficulté même pour dans certains postes ou dans certaines formations. Quand ils portaient la barbe et quand ils voulaient faire leur formation, ils voulaient donner beaucoup de difficultés à ces frères-là pour ne pas les laisser continuer. Puis finalement, ils se sont battus, puis ils ont insisté, puis finalement, on leur a laissé. Mais c'est pour dire que des fois, ils donnent beaucoup de difficultés. Mais il faut dire qu'ils ne te forcent pas, mais ils ont des moyens pour essayer de te pousser et de t'inciter à te décourager, oui, c'est ça. C'est comme on dit, on t'empêche pas de le faire, tu as le droit de le faire, sauf que quand tu vas le faire, on va te laisser, tu vas être sans aucun moyen. Donc c'est pour ça que les musulmans, ils doivent apprendre à collaborer entre eux et à s'entraider entre eux pour faire des commerces, pour faire des entreprises, pour s'engager les uns les autres, pour faire en sorte qu'il n'ait pas besoin justement de s'humilier pour avoir un travail ou pour avoir un emploi. Comme ça, ils peuvent travailler les uns avec les autres, puis améliorer leur situation. Ça, c'est la meilleure chose à faire. Et le cheikh, il dit ensuite, « Warawa aydan Abu Sheikh bi isnadihi » Donc, cheikh al-Islam, il dit, وروى أيضا أبو الشيخ عن محمد بن قيس بإسناده وسعيد بن عبد الرحمن بن حبان قال دخل ناس من بني تغلب على عمر بن عبد العزيز وعليهم العمائم كهيئة العرب فقالوا يا أمير المؤمنين ألحقنا بالعرب فقال من أنتم فمن أنتم قالوا نحن بنو تغلب قال أولستم من أوسط العرب قالوا نحن نصارى قال علي بجلم فأخذ بنواصيهم وألقى العمائم وشق رضاء كل واحد شبرا يحتزم به وقال لا تركبوا السرج واركبوا على الأكف ودلوا أرجلكم من شق واحد. Donc ça c'est en fait c'est rapporté par Abu Sheikh avec l'isnad. Il dit que c'est Mohammed ibn Qais et Saïd ibn Abdurrahman. Les deux, ils ont mentionné qu'il y a des gens qui sont rentrés voir Omar ibn Abdul Aziz. Et Omar ibn Abdul Aziz, c'était le khalife à l'époque. Et ceux qui sont rentrés chez lui, c'était des gens de la tribu de Taghlab, Bani Taghlab, ou Bani Taghlib. Et ils sont venus avec des turbans, comme les Arabes, hein, comme les musulmans. Et donc ils sont rentrés, ils ont dit « Oh Amir al-Mu'minin, fais-nous rentrer parmi les Arabes. Hein, fais-nous rentrer parmi les Arabes. » Alors il a dit « Qui êtes-vous ? » Ils ont dit « Nous sommes Banu Taghlib, on est de la tribu de Taghlib. » Il a dit « N'êtes-vous pas parmi les Arabes ? Ne faites-vous pas partie déjà des Arabes ? Pourquoi vous voulez que je vous rentre parmi les Arabes ? Vous êtes déjà des Arabes. » Il a dit « Nous sommes des chrétiens. » Alors, il leur a dit, dans ce cas-là, vous devez appliquer les règles d'Ahlul Dhimma. Hein, il a dit, sortez votre toupet et enlevez vos turbans. Et il a fait les modifications sur leurs vêtements. Il a dit, et quand vous montez la monture, vous devez monter les deux pieds du même côté. Pas monter le cheval de la façon comme les musulmans font. Vous devez mettre les deux pieds d'un seul côté pour que les gens, quand ils vous voient sur le cheval, ils sachent que vous êtes pas des musulmans, que vous êtes des chrétiens. Donc, même dans la façon de monter sur le cheval, ils ne devaient pas le faire de la même manière que les musulmans. Et ça, c'est le khalife Omar ibn Abdul Aziz qui insistait pour que ces règles-là soient appliquées parce que ça fait partie des conditions que Omar ibn Khattab avait établies pour les gens du livre. Et tout ça, c'est basé, bien entendu, sur les règles établi par le Coran et la Sunna. Il y a l'ijma' là-dessus. Tous les sahabes étaient d'accord sur ça. Donc, il dit ensuite, Cheikh Al-Fawzan, il explique ce passage-là. Il dit, « Banu Taghlab min qaba'il al-Arab, walakinnahum dakhalu fi al-Nasraniya, fasara yuqalu lahum Nasara Bani Taghlab, wa minhum al-sha'ir al-mashhur, Am ibn Kulthum, sahib al-qasidat al-mashhura, wa hiya min al-mu'allaqat. دخلوا على عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه بصفة لم يتميزوا بها عن المسلمين فظن عمر أنهم مسلمون فقالوا له ألحقنا بالعرب قال ومن أنتم قالوا نحن بني تغلب قال أولستم من أوسط العرب فهم طلبوا من عمر أن يعاملهم معاملة العرب فأخبروه أنهم نصارى فحينئذ نفذ فيهم شروط عمر بن الخطاب رضي الله عنه فدعا بالمقص وقص نواصيهم واشتق من ثيابهم ما يعني يحمزون به من أوساطهم على شكل زنار حتى يتميزوا عن المسلمين فعملهم معاملة أهل الذمة ولم يميزهم عن النصارى بكونهم عربا ودل هذا على أن كل من دان بدين النصارى فهو نصراني دون نظر إلى جنسه. Donc ici il dit que Banu Taghlab c'était parmi les tribus arabes, mais ils sont rentrés dans le christianisme. Hein? Ils étaient devenus chrétiens depuis même avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on disait les chrétiens de Banu Taghlab. Et parmi eux, il y a même un qui était un poète très célèbre qui s'appelait Amr ibn Kulthum, qui a écrit même un poème célèbre, qui faisait partie même des poèmes qui avaient été accrochés sur la Kaaba. Parce que quand un poème était très célèbre et très, très fort, donc quand il faisait les compétitions de poésie, celui qui remportait le concours, on accrochait son poème sur la Kaaba. Pour l'honorer. Non, ça c'était avant l'islam. D'accord? Et donc quand ils sont venus à cette époque-là, ça c'était après, à l'époque du khalifa Omar ibn Abdul Aziz. Hein? C'est peut-être ça là, cet événement, quand ils sont venus voir le khalifa, c'était Walaykoum salam. C'était après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la mort des khulafa rachidin. Hein? C'était Omar ibn Abdul Aziz, c'est après parmi les khulafa qui sont venus par la suite. Et donc ils sont venus puis ils ont dit, ils ont exigé à Omar ibn Abdul Aziz, parce que quand ils sont arrivés, on ne pouvait pas les reconnaître des musulmans, c'est-à-dire on ne pouvait pas les distinguer des musulmans, parce qu'ils étaient habillés comme des musulmans. Et quand ils sont rentrés voir le khalifa, Omar ibn Abdul Aziz, hein, Omar ibn Abdul Aziz, il a cru que c'était des musulmans. Et eux, ils lui ont dit, mais fais-nous rentrer parmi les Arabes. Alors lui, il leur a posé la question, qui êtes-vous? Alors ils ont dit, nous sommes la tribu de Tarlib, Banu Tarlib. Et il lui a dit, mais n'êtes-vous pas déjà des Arabes? Mais pourquoi vous voulez que je vous fasse rentrer? En fait, il voulait dire, fais en sorte qu'on soit traité de la même manière que les autres Arabes. Hein? C'est-à-dire, on est des chrétiens. Parce qu'après, il leur a dit, n'êtes-vous pas parmi les Arabes? Et là, ils ont dit, on est des Arabes, mais on est des chrétiens. Donc, on veut que vous nous traitiez comme le reste des Arabes, même si on n'est pas musulmans. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu, dans ce cas-là, non, je dois appliquer sur vous les conditions qui ont été établies pour les gens de la Dhimma par Omar ibn al-Khattab. Alors il a ramené un ciseau, puis il a coupé leur toupet, et il a coupé dans leurs vêtements un contour de leurs vêtements pour en faire une ceinture, pour attacher à leur taille, pour qu'ils se distinguent des musulmans, même s'ils sont des Arabes. Donc le cheikh, il dit, ça c'est la preuve que celui qui est chrétien, hein, et qui fait partie des chrétiens, on le traite comme les chrétiens, même s'il est arabe, sans tenir compte de son origine. Puis après, il a même ordonné que quand ils montent sur leur monture, qu'ils montent les deux pieds du même côté, pas, comme on dit, j'ai oublié l'expression, mais pas assis les deux jambes, hein? Oui, c'est ça, pas enfourché, mais les deux pieds du même côté, pour les distinguer des musulmans. Ça fait partie, comme on a dit, des conditions qui ont été établies à l'époque de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, et tous les sahaba ont accepté ces conditions-là pour les gens du livre. Ça veut dire que il y a l'ijma' là-dessus. Et l'ijma', hein, ça fait partie des preuves établies dans la charia. Lorsque les sahaba sont d'accord sur quelque chose, ça fait partie de la sunna. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّشِدِينَ, hein? Accrochez-vous à ma sunna et la sunna des successeurs bien guidés après moi. Et donc, dans ce cas-là, ça fait partie de qu'est-ce qu'on est obligé de suivre. Le cheikh, il dit ensuite, وَعَنْ مُجَاهِدْ, ça c'est le cheikh l'islam, il dit, وَعَنْ مُجَاهِدْ أَبِي الْأَسْوَدْ قَالْ كَتَبَ عُمَرْ بِنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ أَنْ لَا يُضْرَبُ النَّاقُوسُ خَارِجًا مِنَ الْكَنِيسَةِ. Donc, Mujahid Abil Aswad, il a mentionné que Omar ibn Abdul Aziz a écrit une lettre en disant que les chrétiens ne frappent pas la cloche, excepté à l'intérieur de leurs églises. Que les chrétiens ne frappent pas leur cloche, excepté à l'intérieur de leurs églises. Donc, ils ne devaient pas sonner leur cloche dans les pays musulmans, sauf à l'intérieur. Et il dit, وَعَنْ مَعْمَرْ أَنَّ عُمَرْ بِنْ عَبْدُ الْعَزِيزِ كَتَبَ أَنْ اِمْنَعْ مَنْ قِبَلَكَ فَلَا يَلْبِسْ نَصْرَانِيٌ قِبَاءً وَلَا ثَوْبَ خَزٍ وَلَا عَصْبٍ وَتَقَدَّمَ فِي ذَلِكَ أَشَدَّ التَّقَدُّمِ وَاكْتُبْ فِيهِ حَتَّى لَا يَخْفَى عَلَى أَحَدٍ نهي عنه وقد ذكر لي أن كثيرا فيهما قبلك من النصارى وقد راجعوا لبس العمائم وتركوا لبس المناطق على أوساطهم واتخذوا الوفر والجمم وتركوا التقصيص ولا عمري إن كان يصنع ذلك فيما قبلك إن ذلك بك ضعف وعجز فانظر كل شيء كنت نهيت عنه وتقدمت فيه إلا تعاهدته وأحكمته ولا ترخص فيه ولا تعد عنه شيئا. Donc ici, Omar ibn Abdul Aziz, il dit que, ou bien il écrit dans un message, parce que c'est lui le khalifa. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il ordonne à ses gouverneurs dans les différentes villes d'établir chez eux les règles et les conditions de Omar ibn al-Khattab pour les gens de la dhimma. Et parmi les exemples ici, il dit que yani, tu dois interdire aux chrétiens dans ta région de porter les vêtements des musulmans. Et il dit que il faut l'écrire dans les lieux publics pour que les chrétiens le sachent, pour que ce ne soit pas caché à personne, pour qu'ils sachent qu'ils n'ont pas le droit de porter les vêtements des musulmans. Il dit parce que dans ta région, il y a beaucoup de chrétiens et ils sont revenus au port du turban. Hein, ils ont cessé de porter la corde autour de leur taille et ainsi de suite. Donc, en voulant dire, on voit que vous avez dans votre région une faiblesse dans l'application des règles et des conditions des gens du livre. Et donc, il a écrit cette lettre-là pour les inciter à appliquer les conditions avec plus de rigueur et de fermeté. Et Cheikh Al-Fawzan, il commente ça en disant « وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّ الْمَنْعَ مِنْ أَنْ يَضْرِبُوا النَّوَاقِيسِ عند حضور صلواتهم ولكن المقصود أن لا يضربوها بصورة ظاهرة بحيث تخرج أصواتها عن محيط كنائسهم. » Donc il explique par rapport à la cloche que ça ne veut pas dire de les empêcher de sonner la cloche lorsqu'ils se présentent pour faire leur prière, mais plutôt que qu'est-ce qui est voulu ici, c'est qu'ils ne doivent pas faire sonner la cloche d'une manière qui est apparente, mais que ça doit être à l'intérieur de leurs églises pour qu'on n'entende pas le son de leurs cloches dans les pays musulmans. Ça, c'est un des points qui a été établi parmi les conditions pour les gens de la dhimma. Il dit وَأَنْ يَمْنَعْ مِنْ قِبَلَكَ فَلَا يَلْبِسْ نَصْرَانِيٌ قِبَاءً. يعني لا يلبس النصراني لباس المسلمين والعصب هو الثوب الذي صبغ بنبات يقال له العصب وقوله وتقدم في ذلك أشد التقدم واكتب فيه يعني نفذ هذا الأمر أشد التنفيذ واكتب فيه كتابة علانية لا تخفى على أحد. Donc il a dit insiste pour écrire ces choses-là et pour les appliquer et pour les exécuter de façon très stricte, et écrit cela publiquement pour que les gens le sachent et que ça échappe à personne, tout le monde va être au courant, parce que des fois les gens peuvent dire ouais, on ne savait pas, mais si c'est écrit dans les endroits publics et qu'il y a des affiches avec ça, c'est écrit partout, les gens ils ne peuvent pas dire qu'ils ne le savaient pas. Donc ça, c'est à quel point l'islam a insisté pour que il y a une distinction entre les musulmans et les non-musulmans. Et ça, c'était à l'époque, comme on dit, où les musulmans étaient forts. Hein? Ils avaient la puissance sur terre. Et Allah subhanahu wa ta'ala, non seulement il nous ordonne de nous distinguer, mais même les musulmans interdisaient aux non-musulmans d'imiter les musulmans. Parce qu'à l'époque, c'est eux qui voulaient imiter les musulmans. Aujourd'hui, comme le cheikh l'a dit, c'est le contraire. C'est les musulmans qui veulent imiter les koufars. Alors qu'à l'époque, c'était le contraire. C'est eux qui voulaient imiter les musulmans. Et l'islam est venu pour leur interdire. Hein? L'islam leur interdisait d'imiter les musulmans. S'ils voulaient être traités comme des musulmans, ils avaient juste à se convertir à l'islam. Hein? طيب, on va s'arrêter ici pour ce cours, et après le maghrib on fera tafsir al-baqara inshallah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.